Un samedi. Quel est ton travail? Un dimanche. As-tu un travail? Un lundi. En quoi consiste ton travail? Un mardi. Comment décrirais-tu ton travail? Un mercredi. As-tu un travail? Un jeudi. As-tu des activités que tu qualifierais de sociales? Un vendredi. Quelles sont tes activités que tu qualifierais de sociales? Un samedi. As-tu des activités antisociales? Un dimanche. Dirais-tu que ton travail est politique? Un lundi. En quoi ton travail est politique? Un mardi. Ton travail n'est-il pas politique? Un mercredi. As-tu un travail? Un jeudi. Quel travail aimerais-tu avoir? Un vendredi. En quoi ton travail serait-il politique? Un samedi. Dirais-tu que tes activités sociales sont politiques? Un dimanche. En quoi tes activités sociales sont-elles politiques? Un lundi. Tes activités sociales ne sont-elles pas politiques? Un mardi. En quoi tes activités sociales seraient-elles politiques? Un mercredi. N'as-tu pas d'activité sociale? Un jeudi. Dirais-tu que ton travail est révolutionnaire? Un vendredi. En quoi ton travail est-il révolutionnaire? Un samedi. Ton travail n'est-il pas révolutionnaire? Un dimanche. En quoi ton travail serait-il révolutionnaire? Un lundi. Es-tu sans travail? Un mardi. Dirais-tu que tes activités sociales sont révolutionnaires? Un mercredi. En quoi tes activités sociales sont-elles révolutionnaires? Un jeudi. Tes activités sociales ne sont-elles pas révolutionnaires? Un vendredi. En quoi tes activités sociales seraient révolutionnaires? Un samedi. As-tu des activités sociales? Un dimanche. Quels sont tes revenus? Un lundi. D'où proviennent tes revenus? Un mardi. Te sens-tu riche? Un mercredi. Te sens-tu pauvre? Un jeudi. Rien de tout ça? Un vendredi. Quel rapport entretiens-tu avec l'argent? Un samedi. As-tu un crédit? Un dimanche. As-tu des crédits? Un lundi. As-tu un compte en banque? Un mardi. As-tu de l'argent sur un compte en banque? Un mercredi. As-tu assez d'argent? Un jeudi. Quel rapport entretiens-tu avec l'intelligence? Un vendredi. Tu penses à quoi quand tu entends le mot argent? Un samedi. À quelle classe sociale te sens-tu appartenir? Un dimanche. Tu penses à quoi quand tu entends le mot classe? Un lundi. Quel est ou était le travail de ta mère? Un mardi. Quel est ou était le travail de ton père? Un mercredi. Quel est ou était le travail de tes grands-mères? Un jeudi. Quel est ou était le travail de tes grands-pères? Un vendredi. Et tes amies, elles font quoi? Un samedi. Et tes amis, ils font quoi? Un dimanche. Tu penses à quoi quand tu entends le mot social? Un lundi. Es-tu fréquemment en relation avec des personnes qui appartiennent à des classes sociales autres que celles à laquelle tu te sens appartenir? Un mardi. Dans quel contexte fréquentes-tu ces personnes qui appartiennent à des classes sociales autres que celles à laquelle tu te sens appartenir? Un mercredi. As-tu déjà fait des études? Un jeudi. Quelle étude as-tu fait? Un vendredi. Quelles études aurais-tu aimé faire? Un samedi. As-tu aimé faire des études? Un dimanche. À quoi tu penses quand tu entends le mot pauvre? Un lundi. À quoi tu penses quand tu entends le mot riche? Un mardi. À quoi tu penses quand tu entends le mot intelligence? Un mercredi. Y a-t-il des questions auxquelles tu aimerais répondre? Un jeudi. Y a-t-il des questions que tu aimerais poser? Un vendredi. Et maintenant? Tu fais quoi? C'était un texte de Marc Perrin. Et maintenant, tu fais quoi?